La toute dernière des nuits, les étoiles réfléchissent sur une mer opaline. L'air est chargé de fête, le temps est aux amis. Quelques feux d'artifice éclatent des collines. Un réveillon à Saigon, un rêve de reine à Phnom Penh, de Père Noël à Kael, une année se fane à Vientiane. À l'autre bout du monde, dans un lointain pays, j'observe les bougies vaciller dans l'hiver. Je pense à ces visages encore en plein midi. Je pense à toutes ces routes, ces lacs et ces déserts. Un réveillon à Saigon, un rêve de reine à Phnom Penh, de Père Noël à Kael, une année se fane à Vientiane. Au milieu des dragons et des monstres en papier, je rêve d'une bûche glacée et d'un peu de neige fraîche. Je souris malicieux à l'avenir et au passé, au bonheur pacifique, sans barrage et sans brèche. Un réveillon à Saigon, un rêve de reine à Phnom Penh, de Père Noël à Kael, une année se fane à Vientiane. Un réveillon à Saigon, un rêve de reine à Phnom Penh, de Père Noël à Kael, une année se fane à Vientiane.